Genèse chapitre 31. Or Jacob entendit les discours des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et de ce qui était à notre père il a acquis toute cette gloire. Et Jacob regarda le visage de Laban, et voici, il n'était point envers lui comme auparavant. Et l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. Jacob donc envoya appeler Rachel et Léa au champ vers ses troupeaux, et leur dit, « Je connais au visage de votre père, qu'il n'est pas envers moi comme il était auparavant, toutefois le Dieu de mon père a été avec moi. Et vous savez que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Mais votre père s'est moqué de moi, et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu n'a pas permis qu'il m'ait fait aucun mal. » Quand il disait ainsi, « Les picotés seront ton salaire », alors toutes les brebis faisaient des agneaux picotés. Et quand il disait, les marquetés seront ton salaire, alors toutes les brebis faisaient des agneaux marquetés. Ainsi, Dieu a ôté le bétail à votre père, et me l'a donné, car il arriva, autant que les brebis entraient en chaleur, que je levai mes yeux, et je vis en songe, et voici, les boucs qui couvraient les chèvres étaient marquetés, picotés et tachetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Et je répondis, me voici. Et il dit, lève maintenant tes yeux, et regarde, tous les boucs qui couvrent les chèvres sont marquetés, picotés et tachetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu fort de Bethel, où tu oignis la pierre que tu dressas pour monument, quand tu me filais un vœu. Maintenant donc, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta parenté. Alors Rachel et Léa lui répondirent, et dirent, « Avons-nous encore quelques portions, et quelque héritage dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères, car il nous a vendus, et même il a entièrement mangé notre argent? Car toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre père, nous appartenaient à nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce que Dieu t'a dit. » Ainsi Jacob se leva, et fit monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux, et il emmena tout son bétail, et son bien qu'il avait acquis, et tout ce qu'il possédait et qu'il avait acquis en Padan Aram, pour aller vers Isaac, son père au pays de Chanaan. Or, comme Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les idoles qui étaient à son père. Et Jacob se déroba de Laban le Syrien, ne lui ayant rien déclaré de son dessein, parce qu'il s'enfuyait. Il s'enfuit donc avec tout ce qui lui appartenait, et partit, et passa le fleuve, et s'avança vers la montagne de Galaad. Et au troisième jour on rapporta à Laban, que Jacob s'en était enfui. Et il prit avec lui ses frères, et le poursuivit 7 journées de chemin, et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut à Laban le Syrien, en songe, la nuit, et lui dit, prends garde de ne rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban donc atteignit Jacob, et Jacob avait tendu ses tentes en la montagne, et Laban tendit aussi les siennes avec ses frères, en la montagne de Galaad. Or Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Tu t'es dérobé de moi, tu as emmené mes filles comme des prisonnières de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette? Étais-tu dérobé de moi sans m'en donner avis? Car je t'eusse conduit avec joie et avec des chansons, au son des tambours et des haches à l'arpée. Tu ne m'as pas seulement laissé baiser mes fils et mes filles, tu as fait follement en cela. J'ai en main le pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit passée, et m'a dit, prends garde de ne rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant donc, à la bonne heure, que tu t'en sois ainsi allé en hâte, puisque tu souhaitais si ardemment de retourner en la maison de ton père, mais pourquoi m'as-tu dérobé mes dieux? Et Jacob, répondant, dit à Laban, je m'en suis allé, parce que je craignais, car je disais qu'il fallait prendre garde, que tu ne me ravisses tes filles. Mais que celui en qui tu trouveras tes dieux, ne vive point, notamment. Reconnais devant nos frères s'il y a chez moi quelque chose qui t'appartienne, et le prends. Car Jacob ignorait que Rachel les eût dérobés. Alors Laban vint dans la tente de Jacob et dans celle de Léa, et dans la tente des 2 servantes, et il ne les trouva point, et, Étant sorti de la tente de Léa, il entra dans la tente de Rachel. Mais Rachel prit les idoles, et les ayant mis dans le bas d'un chameau, elle s'assit dessus, et la banfouilla toute la tente, et ne les trouva point. Et elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point de ce que je ne me puis lever devant lui, car j'ai ce que les femmes ont accoutumé d'avoir et il fouilla, mais il ne trouva point les idoles. » Et Jacob se mit en colère, et querella Laban, et prenant la parole, lui dit, « Quel est mon crime, quel est mon péché, que tu m'aies poursuivi si ardemment? Car tu as fouillé tout mon bagage, mais qu'as-tu trouvé de tous les meubles de ta maison? Mets l'ici devant mes frères et les tiens, et qu'ils soient juges entre nous deux. J'ai été avec toi ces 20 ans passés, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, je n'ai point mangé les moutons de tes troupeaux. Je ne t'ai point rapporté en compte, ce qui a été déchiré par les bêtes sauvages, j'en ai supporté la perte, et tu redemandais de ma main, ce qui avait été dérobé de jour, et ce qui avait été dérobé de nuit. De jour l'âme me consumait, et de nuit la gelée, et mon sommeil fuyait de devant mes yeux. Je t'ai servi ces 20 ans passés dans ta maison, 14 ans pour tes deux filles, et 6 ans pour tes troupeaux, et tu m'as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et la frayeur d'Isaac, n'eût été pour moi, certes, tu m'eusses maintenant renvoyé à vide. Mais Dieu a regardé mon affliction et le travail de mes mains, et il t'a repris la nuit passée. Et Laban répondit à Jacob, et dit, ces filles sont mes filles, et ces enfants sont mes enfants, et ces troupeaux sont mes troupeaux, et tout ce que tu vois est à moi, et que ferais-je aujourd'hui à ce, est-ce mienne fille, ou à leurs enfants qu'elles ont enfantés? Maintenant donc, viens, faisons ensemble une alliance, et elle sera en témoignage entre moi et toi. Et Jacob prit une pierre, et l'adressa pour monument, et dit à ses frères, amassez des pierres. Et eux ayant apporté des pierres, ils en firent un monceau, et ils mangèrent là sur ce monceau. Et Laban l'appela Jegarsa Aduta, et Jacob l'appela Galed. Et Laban dit, ce monceau sera aujourd'hui témoin entre moi et toi. C'est pourquoi il fut nommé Galed. Il fut aussi appelé Mitzpah, parce que Laban dit, que l'Éternel prenne garde à moi et à toi, quand nous nous serons retirés l'un d'avec l'autre. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends une autre femme que mes filles, ce ne sera pas un homme qui sera témoin entre nous, prends-y bien garde, c'est Dieu qui est témoin entre moi et toi. Et Laban dit encore à Jacob, regarde ce monceau, et considère le monument que j'ai dressé entre moi et toi. Ce monceau sera témoin, et ce monument sera témoin, que lorsque je viendrai vers toi, je ne passerai point ce monceau, ni lorsque tu viendras vers moi, tu ne passeras point ce monceau et ce monument pour me faire du mal. Que les dieux d'Abraham et les dieux de Nacor, les dieux de leur père, jugent entre nous. Mais Jacob jura par la frayeur d'Isaac son père. Et Jacob offrit un sacrifice en la montagne, et invita ses frères pour manger du pain, ils mangèrent donc du pain, et passèrent la nuit sur la montagne. Et Laban, se levant de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit, et s'en alla. Ainsi Laban s'en retourna chez lui.